Branlito, la fin d'une longue carrière d'un an. La vraie fin cette fois-ci. Je me tire pour toujours avec l'argent de mes fans. Voilà, et bien, je suis un salaud. Désolé les reilles, je me casse, adios. Grâce au rap, j'ai bien mangé, j'ai le ventre à Carlos. Je pars avec une bitch et mes psychoses. Dans la chatte à ma meuf, y'a v'là les mycoses. Reptilien comme David, le fric, j'en suis avide. Je rentre à la maison mère, c'est-à-dire tel avis. Je bande tel un taureau, rap là c'est du solide. Maintenant fais des allers-retours et pose-y ta salive. Pour pondre une tuerie j'ai le savoir-faire. Une biatch, une gâterie et de la bière. Mon année de carrière j'en suis tellement fier. On se revoit aux 100 ans de Rockefeller. Je kiffe l'urbanisation, mais reste un ami de la forêt. Surtout au nouvel an, comme ça je peux me cacher. En son prix j'ai fait le show, lorsqu'on allait se doucher. Trois grands noirs ont fait de moi leur Laurent Ruquier. To, Branlito, Branlito. Branlito, Branlito, to, Branlito, Branlito. Une légende au micro, son nom est Branlito, to, Branlito, Branlito, Branlito, Branlito, to, Branlito, Branlito. Une légende au micro, son nom est Branlito, vas-y Maurice, solo.